sais que ça ne doit pas être facile pour toi. Avec un homme comme moi, jamais présent pour toi. La musique est en moi, je ne te le cache pas. Chanter c'est tout pour moi, je n'ai pas le choix.